La parole de Dieu est donc vérité, pas vrai? Ça suppose donc que l'Église a vraiment un problème. Lorsqu'on voit déjà un pasteur aller porter plainte contre un autre pasteur, on voit des personnes qui sont dites chrétiens aller devant des tribunaux. Ça montre qu'il y a un problème, qu'on a quitté le cadre de la Bible. C'est le même souci qui me donne l'Église. Le même souci. C'est-à-dire que ce qui est là, c'est le même souci que me donne l'Église. Et ça montre justement que s'il y a problème, ça suppose qu'il y a la solution et la. Souvenez-vous de ceci, c'est que s'il y a un problème, il n'y a pas le problème. Le problème ne vient pas avant que la solution vienne. Avant que le problème ne soit là, c'est la solution qui précède. C'est la solution qui est d'abord, avant que le problème ne vienne. Avant que l'humanité ne tombe dans le péché, vous savez que la solution était d'abord là, n'est-ce pas? Avant que Adam ne pêche, la solution du péché était déjà là. C'est ça, non, papa? C'est pas vrai? Il dit, avant que Adam et Ève ne pêchent dans le jardin pour conduire l'humanité dans le péché, il y avait déjà la solution pour le péché qui était préparée. C'est ça, non? C'est ce que la Bible dit. Donc, la solution est toujours avant les problèmes. Dieu, dans les temps anciens, savait que nous serons ici en train de demander, en train de pleurer ainsi pour demander cela. D'accord? Donc, la solution pour le problème de l'Église aujourd'hui ne peut pas changer. La solution pour l'Église, pour que l'Église soit debout, comme Dieu a de demander, ne peut pas changer. On va prendre deux passages de la Bible, on va lire, on va voir comment le Seigneur va nous diriger et puisse-t-il nous diriger véritablement. Deux passages. Donc, solution au problème de l'Église. D'accord? Solution au problème de l'Église. On va prendre tout juste deux versets, on pourra faire le commentaire et puis on va voir si le Seigneur peut encore en ajouter. Mais il veut dire ceci, avant de donner la solution, on peut faire quelques diagnostics qui rejoignent tout simplement ce qu'on a fait ici et tout ce qu'on a fait. Premier diagnostic qu'on peut faire, c'est que les hommes ont abandonné la parole de Dieu, donc la voix de Dieu. Et si on a abandonné la voix de Dieu, forcément on devait faire autre chose, autre que Dieu a prescrit. C'est-à-dire qu'on a abandonné la parole de Dieu au profit des traditions des hommes. Autrement dit, on a institué en lieu et place des ordonnances du Seigneur. On a institué en lieu et place les traditions d'hommes. Et Dieu ne viendra jamais confirmer les commandements d'hommes. Dieu ne viendra jamais confirmer les traditions d'hommes. Si un esprit se manifeste derrière les traditions d'hommes, c'est forcément un esprit démoniaque. Forcément. Parce que l'esprit de Dieu est l'esprit de la vérité. J'espère qu'on se comprend. Ici, il n'y a pas de sentiment. Ok. Donc, Hébreux chapitre 2, verset 4, ce n'est pas par rapport aux solutions, je vais dire quelques diagnostics. Dans Hébreux chapitre 2, verset 1 à 4, la Bible déclare que comment négligerons-nous un si grand salut qui d'abord annoncé par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et le Seigneur appuyait le témoignage par des prodiges, des miracles, des guérisons, par des différents dons de l'Esprit envoyés du ciel. Donc la Bible déclare donc que Dieu témoignait que c'est un salut que Dieu a, Jésus lui-même a prêché premièrement. Et ceux qui ont entendu directement de sa bouche l'ont aussi relayé. Et pendant qu'ils relayaient cela, Dieu confirmait. C'est ça, non? Dieu confirmait le témoignage pour montrer que ce qui était là était vrai. Alors, si Dieu confirmait leurs paroles, ça se pense que c'est parce que leurs paroles étaient en accord avec la parole du Seigneur. C'est ça, n'est-ce pas? Et dans Hébreux chapitre 2, verset 1 à 4, c'est là où ça se trouve. Maintenant, si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 3, puis le chapitre 4, notez également cela, c'est dans le cadre du diagnostic. Nous regardons dans Actes des Apôtres. Je vais vous donner le verset, puis il va citer ce qui est là-bas, n'est-ce pas? Notez Actes chapitre 3 et chapitre 4, parce qu'il va parler de cela. Actes chapitre 3 et chapitre 4, Actes chapitre 9, Actes chapitre 10, Actes chapitre 13. Actes chapitre 19, il va seulement citer les choses qui sont là-bas, dans tous ces chapitres-là. Jean chapitre 14, verset 12. Jean chapitre 14, verset 12. Donc, il va revenir sur les deux solutions, deux versets des solutions-là. D'accord, frère? Dans Actes chapitre 3, nous avons partagé ça ici au courant de la semaine dernière. Nous avons vu dans ce chapitre 3 que Paul, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, donc à 15h. Ils ont vu un paralytique qui était là depuis depuis longtemps, presque 40 ans. 40 ans. Il n'a jamais marché. Quelqu'un qui n'a jamais marché. Donc scientifiquement, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. Tout ce que les hommes pouvaient faire pour cet homme-là, c'est avoir pitié de lui, lancer quelques pièces. Est-ce que quelques pièces qu'on lui donnait là résolvaient les problèmes, son problème? Il lui fallait exactement ce qui va résoudre son problème. Son problème, c'était que s'il marchait, il pouvait aller au champ lui-même aussi. S'il marchait, il pouvait aller travailler lui-même. Le problème, c'est que depuis qu'il est né, il ne marche pas, il est au sol. Alors Pierre, comme il était en communion avec le Seigneur de la bonne façon, il allait vers lui. Le Seigneur l'a conduit vers lui et dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Donc je ne peux pas faire comme les autres. Je ne peux pas faire comme les autres. Parce que si je te donne ça, ça ne t'aidera pas. Je peux te donner ce qui va beaucoup plus t'aider pour tout. Pour toujours. Il dit, ce que j'ai, je te donne. Écoutons la parole de Pierre. Ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Voilà ce qu'il a. Quand il a dit ça, le monsieur qui est en bas, dit, de quoi est-ce qu'il parle? La personne qui était malade a dit, de quoi est-ce qu'il parle? Il regarde comme ça. Fixa le regard, dit, qu'est-ce qu'il a donné? Il a tendu la main. Il lève-toi. La Bible déclare, quand il le tena par la main, il le tira et son pied devint ferme. Est-ce que Pierre crée les pieds? Qui a fait cela? Ok. Maintenant, je vais avancer. À la suite de cette guérison, on a vu ça hier par rapport à l'autorité. On a tapé Pierre en disant qu'on t'interdit de parler de ces noms-là par la suite. Si vous lisez la suite, à partir du verset 20 jusqu'au chapitre 4 maintenant, du verset 20 jusqu'au verset 32, la Bible déclare qu'après avoir été relâché, c'est-à-dire que quand il a gardé quelqu'un, on les a mis en prison à cause de cela. Où est-ce que l'onction peut arriver, peut attirer comme problème, n'est-ce pas? Si tu guéris quelqu'un, ça t'amène plutôt des problèmes. Quelqu'un, tu guéris quelqu'un, tu fais du bien à quelqu'un, on te pose des problèmes, d'où est-ce que tu viens avec cette autorité? Parce qu'on nous a mis là-bas, il a dit que, puisqu'on nous a interrogé au sujet d'un bienfait accordé à un homme, afin que nous disions à tout Israël de comment il est fait, sachez que ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par le nom du Seigneur Jésus-Christ que vous avez crucifié. Il n'a pas dit que ce n'est pas beaucoup de connaissances, ni par quoi que ce soit, c'est par la relation qu'ils ont dans le nom de Jésus. Il dit, ce n'est pas le nom de Jésus que ce nom a raffermi cet homme que vous voyez et connaissez. Donc on les a tapés en disant qu'ils ne parlaient plus. La Bible déclare qu'ils sont rentrés vers les leurs, vers les chrétiens, vers les leurs, dans leur groupe. Ils ont expliqué aux gens qu'on nous a tapés à cause du nom de Jésus. La Bible déclare qu'ils élevaient tous ensemble à Dieu la voix et prière. Ils ont prié, demandé à Dieu de leur accorder l'assurance pour annoncer son témoignage en étendant sa main pour qu'il se fasse davantage de miracles. C'est ce qu'ils disent. C'est ce que l'Acte chapitre 4 dit. En attendant, c'est même pour qu'il se fasse des miracles par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. La Bible déclare, lorsqu'il eut prié, le lieu où ils étaient trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils allaient annoncer le Dieu avec assurance. On est d'accord, n'est-ce pas? Dès le départ, avant qu'ils ne parlent annoncer avec l'assurance, pour défier l'autorité sur le terrain, ils avaient été remplis du Saint-Esprit. On se comprend jusque-là? Dans le chapitre, j'ai donné un prochain chapitre, chapitre 9, on voit clairement comment une veuve, parmi les veuves, là, la groupe de femmes, une femme est morte, Dorcas, qui faisait les bonnes œuvres. On dit que Pierre n'était pas loin de la ville là. On a lavé la femme, on l'a déploré et enterré. On n'a pas enterré. Frère, c'est terrible dans la Bible. On n'a pas enterré, on l'a mis dans une chambre haute. Envoyer les gens aller chercher Pierre. Il faut que Pierre résolve le problème-ci. Ils sont venus trouver Pierre, que Pierre, il y a une situation qui t'attend là-bas. Dorcas est morte. Normalement, Pierre n'est pas un morguier. Il ne creuse pas les tombes. Pourquoi on allait la chercher? Parce que ces chrétiens avaient la foi que le Dieu de Pierre, qui sert ensemble, Dieu pouvait l'utiliser pour ressusciter. On est d'accord? Avant Actes chapitre 9, c'est Jésus qui a fait les autres, les saints de telles choses, pas vrai? Pierre est venu, il est entré dans la chambre où il y avait le cadavre. Il a fait sortir tout le monde, il est resté seul à seul avec le cadavre. C'est bien un problème que les serviteurs de Dieu puissent voir un cadavre et regarder même. Aujourd'hui, il a fermé la porte, il s'est mis à genoux. Écoutez très bien. Il s'est mis à genoux derrière le cadavre, entré en communion avec le Seigneur. Il s'est retourné. Regardez bien au verset chapitre 9. Il ne dit pas, je te commande de te lever au nom de Jésus. Il ne dit pas ça. Il dit, Tabitha, lève-toi. Frère, c'est terrible. Pierre n'a pas prié au nom de Jésus là-bas. Il dit, Tabitha, lève-toi. Il s'est levé. Elle a remis au fond que voici votre mort. Souvenez-vous de ce qu'on a dit ici comme exemple. Il avait dit, si on prend un grain d'arachide, on met au sol. Ça produit quoi à la fin? d'arachides. Et sur le même nombre d'arachides, s'est multiplié. Donc, l'église dont nous sommes en train de prier, de prier que Dieu ressuscite comme ça et qui est en gestation, doit avoir de telles choses qu'on en voit dans la Bible comme ça plusieurs fois. Multiplié. Multiplié. On avance au chapitre 10. On dit que pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Il a de parler, ça descend. On se comprend? Au chapitre 13, il s'agit maintenant de Paul. Paul va rencontrer un proconsul. Un gouverneur romain. Il a de lui parler de la parole de Dieu. Il y a un magicien là-bas qui a de Elimas. Qui a d'obstruer pour lui parler à partir du verset 8 là en descendant. La Bible déclare que le Saint-Esprit est venu sur Paul. Il a dit, fils du diable, ouvrier d'iniquité. Jusqu'à quand nécessiteras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Voici la main du Seigneur sera sur toi et les ténèbres et l'obscurité tomberont sur toi. Quand il a fini de parler, il est devenu aveugle. Vous pensez que si on nous avons les serviteurs aujourd'hui là, les gens ne vont pas craindre le nom du Seigneur? C'est-à-dire que si nous avons les gens que, s'ils prêchent l'évangile, tu essaies de faire obstacle, ils parlent, tu es aveugle. Chacun va commencer à fermer la bouche comme ça. Que si tu parles, tu prends ta part là-bas, c'est ton problème. Souvenez-vous de ceci. C'est en train d'arriver. D'accord? C'est en train d'arriver. Il ne faut pas seulement que quelqu'un soit dans le coup, que c'est lui qui soit l'exemple de Elimas. C'est en train d'arriver. Et ceci, donc, maintenant, je vous dis, c'est que un être humain n'a pas le pouvoir de bloquer ce qui est en train d'arriver. C'est pour ça que l'autre jour, je vous ai dit ici que, quand le pasteur était là, que je ne suis pas venu contester. Quand la discussion s'est terminée, je suis venu dire ce que le Seigneur a demandé qu'on dise. Quelqu'un qui, celui qui va avancer, va avancer. Celui qui va s'opposer, confirmera. Donc, les choses que Dieu a dit qu'il va faire, il va certainement faire. Souvenez-vous de Actes chapitre 3, verset 19 et 20. Il a dit que Jésus va rester au ciel jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Donc, il est prévu dans le plan de Dieu qu'on va rétablir toutes. Si on rétablit toutes choses, il va descendre. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc, nous sommes dans le processus de rétablissement de toutes choses. Il faut donc qu'on sache qu'il y a des problèmes. Il ne faut pas qu'on mette la charrue avant le bœuf. Si Dieu vous donne les dons spirituels, maintenant, vous allez seulement vous détruire avec. Je vous le dis. Si Dieu déverse le don spirituel à l'église sans que l'église soit prête, on va s'auto-détruire. Vous savez, n'est-ce pas? Dieu, ce qu'il va faire, ça ne se passera plus comme chez le Corinthien là. Les choses seront tellement parfaites que les gens vont rassembler totalement à Jésus-Christ. Donc ça ne sera plus comme chez les Corinthiens, vous voyez, les gens se discutent entre eux là. Alors, tu ne pourras plus avoir le Saint-Esprit en toi, l'autre c'est le Saint-Esprit, vous dites qu'on ne peut pas communier ensemble. Ce n'est pas ça que Dieu veut faire. C'est pour ça qu'il faut rétablir toutes choses parce qu'on comprend la parfaite parole du Seigneur. Il gronde son esprit parce que l'esprit marche dans l'amour. La puissance du Saint-Esprit circule dans l'amour. Sans amour, il ne marchera pas. Parce que les dons du Saint-Esprit vont s'arrêter. Mais l'amour va subsister. D'accord? Parce que les dons du Saint-Esprit, c'est sur la terre. En haut, là-bas, on n'a pas besoin de dons spirituels. Parce qu'il n'y a pas besoin de guérison là-bas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Là-bas, il n'y a pas besoin de prophéties. C'est ici qu'on a besoin de prophéties. La voiture ne connaît pas quelqu'un là-bas au ciel. C'est ici qu'on a besoin de prophéties pour dire que si tu vois pas ces jours-ci au champ, un arbre va tomber sur toi. Donc les dons spirituels, c'est pour l'église, c'est sur le Seigneur. C'est là, les dons spirituels, ce sont les différentes armes, capacités et audacités données à la branche armée visible du Seigneur sur la terre pour combattre. C'est ça. Parce qu'on est en combat, il nous faut être outillé pour pouvoir combattre. Sans ces armes-là, on ne peut absolument rien. Mais ça est en train de venir. Mais avant cela, c'est pour ça qu'il dit qu'on ne met pas la charrue avant le bœuf. Avant cela, il faut une époque de préparation. Si vous lisez Matthieu 25, verset 6, là, il a dit, mais lorsque l'époux tardait à venir, toute s'assoupit, les vierges sont assoupies. Au milieu de l'heure, on criait, voici l'époux, allez en sa rencontre. Il faut qu'une voix crie qu'on parle à la rencontre du Seigneur Jésus. Tout s'élève avec les larmes. Les gens n'étaient pas préparés. Donc il faut une préparation pour attendre Jésus. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, il y a une chose, une œuvre que l'Église va faire de façon puissante sur cette terre-ci. Ça ne sera pas seulement nous, c'est tout le monde, dans tout le monde entier, ça va bouleverser. Et puis en un brin mouvement, poum, l'enlèvement va avoir lieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Dieu nous attend à faire? Qu'est-ce qu'il nous attend? Voici les deux versets donc pour la solution. Ce n'est que ça, deux versets pour la solution. Deux chroniques. Deux chroniques, chapitre 7, le verset 14. Nous allons lire et puis je vais donner le deuxième. Pour voir effectivement que les deux. Vos pasteurs que vous avez invités aujourd'hui, ils ont fui, n'est-ce pas? Jusqu'ici, ils ont parlé. qu'ils fuient en croyant peut-être qu'on est venu comme ça pour les troubler par rapport à leur argent. Le moment arrive où ils ne vont plus maîtriser la situation. Quand si les gens vont détruire, le caterpillar va venir détruire un arbre quelque part, un champ quelque part, tu crois, on a dit que non, je ne suis pas d'accord. Attends qu'on démarre le caterpillar, on fonce. Quand on va foncer, ça dit, tu vas rester de ce côté pour dire je ne suis pas d'accord, ça va continuer à aller. Tu comprends ça? Donc le bulldozer, le Saint-Esprit est en marche. Ça a démarré de chauffer le moteur. Quand ça va foncer, si tu veux, tu vas devant ça. Non, si tu veux, tu détruis le champ. La seule façon de détruire le champ, c'est de me détruire. Si le celui qui est en train de conduire le caterpillar te regarde même. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Tu peux lire. Pour la gloire de Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Oui. Je lui pardonnerai son péché. Oui. Et je guérirai son pays. Amen. Amen. Je vous ai dit, souvenez-vous des principes qu'on a mis ici. S'il y a eu quelque chose de nouveau, ce n'est pas terminé. Il y a eu là, ça dans le passé. À son nom, mon garçon, ça va. Quelle est la solution? En lisant ici, quelle est la solution? Nous avons diagnostiqué qui est le problème, n'est-ce pas? Que le témoignage du Saint-Esprit n'accompagne pas les paroles parce qu'on a dilué la parole du Seigneur aujourd'hui. Et nous sommes d'accord que Dieu veut faire quelque chose. Ça, il y a des promesses dans la Bible. Dans Jean chapitre 14, que je vous ai donné le verset 12, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un croit en mon nom, il fera les œuvres que je fais, il fera davantage. Donc, quand il dit davantage, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas dit plus que lui. Ça veut dire que ça sera en grand nombre. S'il a fait un, on va faire peut-être 5. Pas qu'on pourra le dépasser en choses. D'accord? Ok. Maintenant, il dit ici que si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, il dit son peuple, un. Ce qui est invoqué son nom, ce n'est pas tout le monde. Ceux sur qui le nom de Jésus-Christ est invoqué, les chrétiens. Il dit, s'ils font quoi? Première chose. S'humilier. Oui, il y a le problème d'humilité. Un. Donc, dans ces 2 Chroniques chapitre 7, Dieu donne 4 choses que nous avons à faire. 4. Et il a 3 choses, lui, à faire. La balle est dans le camp de qui? Parce que c'est une promesse qui est quoi? Conditionnée. La promesse est conditionnée. On est d'accord, n'est-ce pas? Il dit si introduit la condition qu'il nous demande, alors introduit sa réalisation, ce que lui a à faire. Et nous savons que Dieu ne peut pas mentir. C'est quelqu'un qui tient toujours sa promesse. Nous avons chanté ici que sa fidélité dure à toujours, sa miséricorde dure à toujours. Nous avons chanté cela. Alors, maintenant, Dieu dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, 1, 2, 3, 4, nous allons lire ça de 100 contre maintenant, donc du 4e au 1er. 4e, 3e, 2e, oui, prie. Maintenant, lisons la promesse que c'est que Dieu s'est engagé à faire lui. Alors, du haut des cieux, alors, mes yeux seront ouverts désormais. Hein? Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Oui. Maintenant. Vous avez sorti le chat, vous avez quitté le verset 14. Ça se trouve dans le verset 14. C'est le verset 14, ne descendez pas. Je recommence encore. Dans le verset 14, est contenu ce que Dieu demande et ce qu'il va faire. Les 4 choses qu'il a demandé se trouvent dans le verset 14, pas vrai? Dans ce même verset, il a 3 choses qu'il a promis qu'il va faire. Il a dit quoi? Allons-y. Je l'exaucerai des cieux. Il exaucera qui? Son peuple qui aura réalisé la condition qui est en haut. Allons-y, les 4 conditions, n'est-ce pas? Je l'exaucerai des 1. Je lui pardonnerai son 2. Et je guérirai son pays. C'est quoi guérir son pays? Donc ça veut dire que là où il y avait une destruction, il y a un relèvement. Alors, je recommence encore. La balle est dans le camp de qui? C'est dans notre camp, n'est-ce pas? Donc, Dieu invite l'Église à quatre choses. Il faut qu'on soit humble pour reconnaître que nous avons tort. Il faut que chacun individuel. Vous voyez très bien que de toute façon, c'est tout ce qu'on a parlé là depuis. Il faut que chacun individuellement se détourne de ses péchés. Troisièmement, qui va devant la face de l'Éternel pour chercher Seigneur, quel est mon rôle? Quel est mon rôle? Quel est mon rôle? La Bible déclare dans ce livre des Psaumes là que mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Donc le Saint-Esprit doit t'expliquer, cherche la face de l'Éternel. Alors c'est pour ça qu'il disait tout à l'heure là que chacun individuellement va avoir un contact avec le Seigneur. Et quand le contact sera mis, un contact, deux contacts, trois contacts, l'Église est debout. On est d'accord, n'est-ce pas? Il dit, prie, s'humilie, cherche la face et se détourne de ses mauvaises voies. Dieu s'exauce, Dieu prend l'engagement d'exaucer. Alors n'importe quoi on va demander, il va le faire. On est d'accord? Donc l'Église a quatre choses à faire. Donc. C'est pour ça que j'invite donc tous les membres d'ici que vous vous rassemblez chaque fois pour demander pardon à Dieu par rapport à l'Église. Ce n'est pas seulement vous. Quand nous prions pour tout. Pour l'Église du Seigneur dans le monde entier. Les péchés que nous faisons. À l'instant où un pasteur fait des choses abominables, donc il y a des enfants là, fait des choses abominables, vous entendez les pasteurs qui ont couché avec les femmes de tuer, les pasteurs font ceci, et curieusement, il va venir prendre la Bible et le micro parler au nom de qui? De Jésus. Quand il parle, il souille ceux qui l'entendent, mais il ne le souille pas. C'est comme ça qu'il distribue la puanteur. Vous allez vous associer, prier avec celui-là. Vous allez rester à dire que Seigneur, nous prions pour que tu nous apportes le don de guérison. Il va le faire. Parce que la tête est pourrie. C'est pour cela qu'il faut effectivement qu'on commence à cette histoire de radical de temps. C'est que si quelqu'un n'est pas droit avec le Seigneur, on l'écarte, on avance avec ceux qui vont avancer. Pour que quelqu'un ne traîne pas le pas. C'est n'est-ce pas? On ne peut pas crier avec quelqu'un. Nous allons voir. On ne peut pas commencer à prier. Vous ne pouvez pas commencer à prier. Vous priez alors que quelqu'un est là. Il y a la haine sur le cœur. Il y a la calomnie sur le cœur. Vous allez finir de prier. Vous sortez, vous parlez contre l'un, contre l'autre. Ça ne marchera pas. Voilà pourquoi toutes ces choses-là qui sont mentionnées dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, que la calomnie, qu'aucune animosité, des querelles, des jalousies ne sont même pas nommées au milieu de vous, parmi vous, comme ainsi qui convient au sein. Ce sont des choses qui ont éloigné l'esprit. Alors, il va falloir que, quand nous rassemblons, par exemple, vous vous rassemblez, vous priez chaque fois, Seigneur. Et autre chose. Écoutez très bien, vous vous asseyez comme ça, vous vous connaissez entre vous. Peut-être que vous avez dit quelque chose par derrière contre l'un de vous ici. Et vous savez ça. Vous avez besoin de réconciliation. Vous allez vers la personne de Dieu, vous dites, ma soeur, mon frère, j'ai dit quelque chose contre toi, je te demande pardon. Souvenez-vous, la main ne peut pas dire quelque chose contre l'œil. Souvenez-vous de ce qu'on a vu ici. Vous cessez, n'est-ce pas? Donc, si vous avez quelque chose sur le cœur à quelqu'un ou quelque chose que vous avez fait, sachez que c'est mauvais. Allez vers la personne, appelez la personne, réconciliez-vous. Parce que ces choses-là, ça bloque la puissance du Saint. Esprit. Alors réconcilions-nous. Quand on s'est réconcilié comme ça là, vous êtes dans l'atmosphère de prier. Vous êtes dans l'atmosphère de prier. Parce qu'il ne faut pas commencer à dire, oh Seigneur, nous prions pour l'Église dans le monde entier. Souvenez-vous, comment peux-tu dire, oh, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil quand tu as la poudre dans ton œil. Donc réservons d'abord le problème à domicile. Tu as ton voisin, lavons le linge sale en famille. Donc s'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre quelqu'un, prenez la personne. Résolvez le problème. Si ça, vous ne pouvez pas résoudre à deux, prenez une autre personne pour que la personne vous aide à résoudre le problème. Et résolvez le problème selon la parole du Seigneur. D'accord, bien-aimé? Et puis, maintenant, on peut avancer dans la prière. Repentance après repentance. Tout ce qu'on entend que les serviteurs font au nom de Jésus-Christ et qu'ils ne le glorifient pas, on se repent de cela. Lorsqu'on va se repentir, plus on se repent, souvenez-vous, on a dit qu'il n'y a pas de repentance sans action. Plus on se repent, on prend position désormais. C'est ça, n'est-ce pas? On prend position. Il n'y a pas vous appelez ça quoi, le sentimentalisme que non, c'est quand même un pasteur, je vais faire comment? Quand vous savez déjà qu'un pasteur couche avec la femme de quelqu'un ou a pris la femme qui ne lui appartient pas, vous savez très bien que c'est un agent du diable. Vous savez ça, n'est-ce pas? La Bible déclare dans ce Romains chapitre 2 que toi qui prêches qu'on ne commet pas l'adultère, tu commets le sacrilège. C'est pas ce qui est écrit? Toi qui dis de ne pas voler, tu dérobes. Toi qui as en horreur les idoles, tu commets le sacrilège. Il dit qu'en faisant ainsi, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Quand tu vas passer au milieu des gens que je suis un pasteur, voilà les gens qui disent qu'ils sont de la Bible. Oh, maintenant la vérité va venir. Les gens vont dire que on vous connaît ici des. C'est le nom de Christ qui est blasphémé. Donc ça a besoin de repentance. Il faut prendre position. Souvenez-vous, quand vous allez prendre position, on va vous haïr. Souvenez-vous, quand vous allez prendre position, on va vous haïr. Les gens que vous pensez que vous avez des sentiments, vous comprenez, vous allez commencer à voir le vrai visage. Parce que c'est une histoire spirituelle. C'est une histoire où c'est l'esprit contre esprit. C'est une histoire des deux camps qui sont en haut, qui sont en train de bagarrer. C'est la répercussion sur la terre. D'accord? Dieu a prié, donné quatre conditions qu'on doit respecter. Il a trois conditions qu'il va faire, c'est lui. Donc, allons donc dans la repentance. La voie du retour des dons dans l'église, c'est la repentance. La voie du réveil pour l'église, c'est la repentance. Il n'y a pas deux façons. Donc, il faut un nettoyage. Deuxième passage, Apocalypse. Chapitre 3. Apocalypse, le chapitre 3. Nous allons lire les versets 14 au verset 22. Je te peux lire. Verset 14 au verset 22. Ah, on lit doucement donc. Apocalypse 3, verset 14 au verset 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres et je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Oui. Je me suis enrichi. Oui. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi. Stoppons d'abord là-bas. Nous nous trouvons à la dernière église. L'église a cette dispensation ou cet âge. La dernière église, qui est la dernière période, Dieu commence à donner les ordres, les instructions. Il écrit à l'ange de l'église. L'ange, c'est le messager. Le messager du temps de l'église de la fin. Il dit, voici ce que j'ai contre toi. Vous n'êtes ni bouillant, ni froid. Ce n'est pas le diagnostic de notre époque. Quand vous lisez justement le Nouveau Testament, comment on a lu les apôtres, on voit comment ils bouleversaient les villes, non? Vous entendez ça ici? Effectivement. Il dit parce que tu n'es ni bouillant ni froid et parce que tu es tiède, la conclusion c'est quoi? On va vomir. Donc ça veut dire qu'on est en danger. Ne voyez pas comment on est prêché, les pasteurs sont en train de gesticuler comme ça là. C'est parce qu'ils ne connaissent pas l'ascension qui est en train d'arriver. Il dit parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Après maintenant, regardez bien, c'est Jésus qui dit que tu es tiède. Pas vrai? Jésus a dit, je connais tes œuvres. S'il y a une chose qu'on devrait savoir, quel est le problème, c'est Jésus qu'on devrait consulter. Parce que c'est lui le chef de l'église. On a vu ça que c'est lui le chef de l'église. Donc c'est à lui de nous dire quel est le problème. Quels sont nos problèmes? Il dit, vous dites là-bas, vous. Regardez bien. Que vous êtes riche. Il dit, parce que tu dis. Parce que tu dis. Est-ce que c'est l'église qui devait dire cela? Parce que tu dis que, première chose, je suis riche. Deuxième chose. Il dit parce que tu dis que je suis un. Deux. Je me suis enrichi. Oui. Vous avez vu donc le matériel a aveuglé l'église de notre époque. C'est pour ça qu'il y a la doctrine de prospérité dehors. On dit seulement que les chrétiens doivent être seulement riches. Tout tourne autour de la richesse. C'est pour ça qu'on va indiquer les dîmes là, les offrandes là. Les gens ne veulent pas pouvoir sortir. parce que ça les a aveuglés. Ça, c'est ce que l'église de notre époque dit. Nous avons un grand bâtiment. Ouh, une grande construction maintenant, on inaugure notre église. Nous sommes riches. On n'a plus besoin de rien. Et alors, le bien matériel, ils ont. Mais le plus important, ils ont raté. Regardez maintenant, ça c'est le diagnostic. Nous sommes riches, nous n'avons pas besoin de quelque chose. Mais regardez le diagnostic de Dieu. Et parce que tu ne sais pas, c'est la chose la plus frappante de notre époque, l'ignorance. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais, l'église est dans un état de péché, mais étant inconsciente. Parce que tu ne sais pas que tu es un. Parce que tu es un. Malheureux. Un, deux, trois, quatre et cinq. Nus. Chacun des mots qui est cité là-bas, on peut développer dans la Bible et vous voyez effectivement l'époque qu'on est en train de vivre. Vous voyez l'état de l'église. Regardez le diagnostic que le Seigneur, la tête de l'église, est en train de donner. Entre temps, les archibishops sont sur la tête. Ils disent non, tout va bien. Le Seigneur a ajouté notre nom. Nous sommes à 3000. Nous avons le terrain. Construisons une grande église où les gens vont entrer. Dieu dit tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. La nudité. On n'est pas couvert par la puissance du Saint-Esprit. On n'est pas revêtu par l'autorité d'en haut, la nudité. La nudité. Et c'est ça justement que Dieu veut que nous sachions. Maintenant, regardons bien. Après avoir fait le diagnostic, le reproche à l'église en disant que l'église dit ceci, il dit, en réalité, tu es ignorant que c'est plutôt comme ça que tu es. Maintenant, il donne la solution. Souvenez-vous. La suivante. Je te conseille d'acheter de moi. Stoppons là-bas. Il dit, je te conseille. Il n'est pas dit, je t'impose. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Donc, nous sommes venus annoncer à l'église, aux pasteurs, surtout les dirigeants, qu'ils aient assez repenti et conduit le troupeau dans la repentance. C'est la voie. On a intérêt à le faire. Sinon, il va nouveau vomir. Il dit, je te conseille de le faire. Alors, on n'a que deux choix. Quand on te conseille, quand tu vas demander conseil, quelqu'un te donne un conseil. N'est-ce pas, toi, tu peux l'appliquer ou tu peux ne pas l'appliquer. On se comprend, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un te donne un ordre, tu es obligé d'obéir, sinon tu vas subir. Mais ici, c'est un conseil. Donc, ça veut dire qu'à ceux qui vont écouter, Dieu va travailler avec eux. Ceux qui ne vont pas écouter, Dieu va les placer de côté et ils vont revenir très tard. Les vieilles folles. Vous y êtes? Il dit, je te conseille d'acheter. Souvenez-vous de ce mot-ci, acheter. Je te conseille d'acheter de moi. Donc, autrement dit, toute richesse, toute ressource, si Dieu dit dans ce verset-ci que je te conseille de moi de l'or éprouvé par le feu, où est là, n'est-ce pas? Afin que tu sois? Afin que tu deviennes riche. Riche. Ça donc suppose donc que l'église de cette époque-ci est riche, mais sa richesse ne vient pas du Seigneur. J'aimerais dire à ce prédicateur des doctrines de prospérité pour qu'on puisse bien saisir ceci. N'est-ce pas les pasteurs dire qu'ils ont construit une grande église? N'est-ce pas dire qu'ils ont trouvé le terrain? N'est-ce pas dire qu'ils ont des grands bâtiments? C'est pas ça? N'est-ce pas? Ils se réclament qu'ils sont riches. C'est Dieu qui s'est juste qu'il en est donné la prestation. Et ils disent qu'ils sont riches. Ils se sont enrichis. Jésus dit ici que je te conseille de venir vraiment vers moi pour prendre la richesse qui vient de moi. N'est-ce pas? Alors ça suppose donc que la richesse que l'église a ne vient pas de lui. Pourtant, les gens sont bénis. Pourtant, quelqu'un dit, non, j'ai donné ma dîme, j'ai été béni, Dieu m'a béni. N'est-ce pas celui qui a dit que Dieu a bien donné? Dieu ici a dit que ce n'est pas lui qui donne. Il a dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. On peut prendre le temps maintenant pour parler de ce qu'on appelle l'or, de ce qu'on appelle éprouvé par le feu. Je te conseille, souvenez-vous le conseil du Seigneur Jésus. Nous avons intérêt à écouter son conseil si nous sommes son peuple. C'est pour ça que la prophétie a dit là-bas que la promesse est là-bas, est conditionnée. Et si on accepte, il va toujours nous prendre. Les deux passages pour la solution, c'est là. 2 Chroniques 7, 14 et Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 22. Il dit, je te conseille de le faire, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Allons-y. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. C'est-à-dire que, qu'à la fin des temps, que tu ne rends pas compte que tu es nu. Or, il dit ici que des vêtements blancs. Il dit pas tout simplement, normalement, quand quelqu'un est nu, on doit lui donner les vêtements. Mais il précise que ce n'est pas n'importe quel vêtement qu'il va donner. Les vêtements blancs. Dans Apocalypse chapitre 19, le verset 6 à 8, il dit que les noces de l'épouse sont venues et son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Il y a une œuvre de préparation. son épouse s'est préparée. Il lui a été donné à son épouse de se revêtir d'un fin lin pur éclatant. C'est ça, n'est-ce pas? Après, il définit que ce fin lin éclatant est, sont les œuvres justes des saints. Donc, ça veut dire que l'œuvre de l'Église de cette époque-ci ne peut pas l'amener dans la justice. Parce qu'elle est nue. Est-ce que vous comprenez? La Bible déclare que le Seigneur Jésus était puissant en parole et en œuvre. Il dit, celui qui croira en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Les œuvres que je ferai, il les fera aussi. Ici, il dit, dans cet Apocalypse chapitre 19, verset 6 à 8, il dit que les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il n'a pas dit les églises. Il a dit son épouse. Si, son épouse, de toutes les façons, va se préparer. Son épouse, de toutes les façons, va se préparer. Il dit qu'il lui a été donné à son épouse de se revêtir de fin lin pur éclatant. Il dit que ces fins lin-là, c'est les vêtements. Ces vêtements-là, c'est les œuvres justes des saints. Et Jésus a dit dans Jean 14, 12, qui vient de donner, qu'en vérité, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Quand Philippe lui a demandé que montre le Père, ça ne suffit. Il dit, mais comment? Demande-tu le Père? Les œuvres qui se passent là, ne crois-tu pas que c'est le Père qui est à moi qui est en train de le faire? Il a parlé de quoi? L'œuvre de puissance. L'œuvre de puissance. L'église de notre époque sont riches en bâtiments, pauvres en puissance. Je te conseille d'acheter des mois de l'eau éprouvée par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Donc, l'église est nue. Le plus grave, ce n'est pas la nudité. Hein. Franchement, le plus grave dans toutes ces histoires, ce n'est pas la nudité. Ce n'est pas la pauvreté, c'est le fait qu'ils ne connaissent pas. Le plus grave de notre époque, c'est que, regardez un pasteur. On présente clairement que pasteur, tu es dans l'iniquité parce que la dîme a été annulée, mais tu es en train de faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche par tous les moyens à contredire. Mais quand même tu présentes la chose, le problème c'est qu'il est ignorant. Pas vrai? Or, Jésus donne dit que tu ne sais pas que tu es. Voilà l'état qu'il en a donné. Misérable. Aveugle. Remarquez ça, aveugle. Quelqu'un qui est aveugle, mais il a dit que nous voyons. Je suis un grand pasteur, nous voyons. Tu peux me montrer la vérité. Et la Bible a dit qu'il est aveugle. Où est-ce qu'il va conduire les gens, mes chers amis? Si quelqu'un est aveugle, il conduit les gens où? Dans la dérive. Vous savez, n'est-ce pas? Ce n'est pas mon diagnostic à moi, parce que je n'ai pas de diagnostic à faire. C'est le diagnostic de la parole. La Bible déclare que la parole juge les sentiments, les cœurs. N'est-ce pas? Ça sonde les reins. Ça éprouve les gens. Avançons ici. Mais souvenez-vous, Jésus a dit, je te conseille. Le but, c'est qu'on comprenne le conseil de notre Seigneur pour la repentance. Oui. Et un collier pour oindre tes yeux. Oui. Afin que tu vois. Donc finalement, les gens sont en train de regarder comme ça, mais ils ne voient pas. Mais Dieu dit que j'ai pas le temps de parler de l'or éprouvé par le feu, de le collier, des vêtements blancs, mais il glissait là-dessus un peu. Maintenant, il dit un collier pour oindre les yeux. C'est le temps de parler de ça. Ça veut dire que les gens lisent la parole et ne comprennent pas. Il leur faut la révélation. Beaucoup tu ouvres les yeux. Ah, la révélation de tes paroles est claire. Donc ça veut dire qu'ils lisent la parole. Ils tordent la parole. Dieu a besoin qu'on vienne vers lui pour donner la révélation de ce qu'il veut. Souvenez-vous de ceci. Le plus grave, ce n'est ni parce qu'il est nu, ni parce qu'il est pauvre, ni parce qu'il est aveugle. Mais le plus grave, c'est qu'il ne connaît pas. Parce que quand tu vas devant un médecin, tu t'assois devant un médecin et le médecin dit, quel est ton problème? Tu ne peux même pas lui dire ton problème. C'est la plus grave des situations. Parce que quand tu expliques ton problème au médecin, à partir de là, il peut faire le diagnostic et puis regarder son livre, même s'il n'est pas au courant, regarder les livres, consulter ses styles de maladie, les symptômes, en fonction des symptômes que tu décris, pour te prescrire quelque chose. Si le médecin ne sait pas de quoi tu souffres, il ne pourra pas te prescrire le remède. C'est, n'est-ce pas, papa? Donc l'église est malade, mais elle ne connaît pas. Tu as quoi? Il ne sait pas ce qui m'arrive. Ça se manifeste comment? Non, ça va très bien. Tu ne vois pas comment je suis riche. Mais tu vois la personne qui est souffrir. C'est le diagnostic du Seigneur, c'est qu'il a des souffrir, mais il ne connaît pas. Donc, il faut donc la grâce de Dieu. Mais de toute façon, la révélation qui se cache dans ces paroles, c'est que il y a deux groupes de l'Église. Il y a des gens qui vont refuser, il y a des gens qui vont accepter, c'est l'épouse. Avançons. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Aide donc du zèle et répands-toi. C'est ce qui est écrit. Fais-moi la Bible donc. Donc la solution est donnée. Merci frère. Voilà la solution. 2 Chroniques chapitre 16 verset 14, repentance. L'église à la fin, repentance. Si on a examiné les problèmes, examiné tout ce qui s'est passé, Dieu nous pousse à la repentance. Et la repentance, ce n'est pas quelque chose d'un seul jour par rapport à ce qui est là-bas, parce que c'est presque 2000 ans de fausseté. Il faut que chacun s'engage. Donc, on doit rester devant le Seigneur avec nos cœurs. Souvenez-vous de ces choses-ci. C'est la relation personnelle d'abord avec le Seigneur. Combien de fois lis-tu la Bible? Vous dites à quelqu'un qui ouvre Matthieu, allez chercher Matthieu à côté de Genèse. Vous comprenez que quelque chose ne va pas. Est-ce que si tu sais que c'est écrit que Jésus va revenir bientôt? Quoi? Que Jésus va revenir bientôt? Donc il y a un enlèvement qui va avoir lieu. Regardez, en 2014, quelqu'un ne connaît pas qui doit avoir un enlèvement. Ce n'est pas l'ignorance, hein? L'ignorance. Donc il faut la repentance. Il faut la repentance à l'église. Ce n'est pas seulement ici. Il dit le problème est général. Le problème est général. Le problème est général, c'est dans le monde entier. Même problème. Alors les mêmes styles de péché qui se trouvent ici, c'est le même style de péché qui se trouve partout. Le péché sexuel, le mensonge, l'hypocrisie, la cupidité, la haine, la jalousie, les discordes. C'est ça qui se trouve dans l'église. C'est la même chose. Donc Dieu n'a pas dit que pour vous, il faut vous repentir de cette façon. Et l'autre façon, c'est le même diagnostic, le même remède à donner. D'accord, bien aimé? Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous reviendrons ici. Nous reviendrons ici. Cette fois-ci, ça ne sera pas de bon de parler. Peut-être ça va commencer ici, finir quelque part. Et si vous savez que ça sort, c'est autre chose. Vous savez que si ça sort, c'est autre chose, ce n'est pas le bavardage. Vous savez c'est ça, n'est-ce pas? Je pose donc la question. Vous êtes prêts à ce qu'on vous attrape en route à la gendarmerie, vous entrez tout à la gendarmerie? Vous êtes prêts à ce que quand on sort là, des choses se passent? On a dit clairement là-bas que Pierre a guéri les gens, ce monsieur-là. Ça l'a entraîné qu'en prison. Vous êtes prêts? Peut-être que vous restez, si vous buvez le café, vous dites que Jésus, Dieu est bon. Que café, tu es matin. Ça, vous imaginez, Pierre, on l'a chicoté en rentrant, sur ses montants à Jean, que mais on m'a tapé, mais tu criais, hein, Jean. C'est ça qui va montrer, même si tu t'es engagé. C'est pour ça que j'en ai posé la question, que vous êtes prêts. Parce qu'il ne faudrait pas que la prochaine fois qu'on vient ici, il dit que, ok, sortons. Tu dis que frère, sors, je vais aller au champ, j'arrive. Pour entendre si on m'a arrêté ou pas. Donc la prochaine fois, on vient. Mais quel est l'état? Comment, dans l'attente, qu'est-ce qu'il faut faire? On a la solution. Dans l'attente, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'on on travaille. Et l'orientation est donnée. La sainteté. La sanctification. La sainteté. Le sérieux. Rechercher la face de l'humilité. S'humilier. Se détourner de ses mauvaises voies. De ses mauvaises voies. Alors, tu ne peux pas te détourner de tes mauvaises voies si tu ne les connais pas. On est d'accord? Donc, chacun doit s'examiner. Il y a des petites situations. Peut-être que tu mens. Tu dis que non. C'est une petite situation. Je mens. Vous dites, on vient chercher, par exemple, celui-ci à la maison. Il dit que je ne suis pas là. Chrétien, dit que je ne suis pas quelqu'un aussi sort. Si c'est moi, tu me dis ça. Je viens, il a dit que il n'est pas là. Le mensonge. Apocalypse 21, verset 8 dit que mais pour les lâches, les incrédules, les abominables et tous les menteurs, il n'y a pas un style menteur qui va entrer au ciel, jamais. Et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Et voilà quelqu'un qui ment, il dit qu'il est chrétien. Vous pensez comment Dieu va faire de vous? Dans 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 jusqu'au verset 10, il dit, ne vous y trompez pas. Aucun impudique, ni idolâtre, ni ceci, ni infâme, ni ceci, ni cupide n'a de part dans le royaume de Christ et de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il dit, mais cela, c'est que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par l'Esprit du Seigneur Jésus. D'accord? Donc, souvenons-nous de ceci. Il faut, pour se repentir de ses mauvaises actions, les connaître. On ne va pas toujours devant Dieu que Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Lesquels? Donc, il faut s'examiner, comme dans ces 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5 à 8, là. S'examiner soi-même pour savoir si on est dans la foi. C'est un examen personnel. Et ça, c'est le miroir. Voici un miroir, je me tiens là-bas, je me vois moi-même dedans. Tu ne dois pas prendre le miroir, tu vois quelqu'un d'autre dedans. Un jour, j'étais en train de prêcher sur le baptême du Saint-Esprit, il est venu de prêcher. Un frère a baissé sa tête comme ça, il dit que frère, quand tu prêches comme ça, là, c'est pour dire que je suis quoi? Il dit, mais c'est toi qui connais ce que tu es. Je viens de te présenter la parole. À partir de la parole, regarde toi-même dedans. C'est pas moi de dire que tu es venu regarder le truc. Tu dis ton nez est court. Tu me demandes que mon nez est court. Tu as vu quoi dedans? Donc, il faut que chacun prenne la parole. Vous connaissez vos propres vies. Regardez ce que vous faites journalièrement. Regardez. Et changez de voix. Si vous savez très bien que ce sont les compagnies qui vous dérangent, les gens vous empêchent de suivre la parole. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc il faut s'en séparer. Dans le livre de Marc, chapitre 9, Jésus a dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute haute, C'est mieux d'entrer comme ça là, dans la vie éternelle, que de faire comme ça, ou tu pas qu'on est dans le feu. Si c'est ta main, coupe. C'est, n'est-ce pas? Mais ça veut dire que quelles que soient les relations qui te créent des problèmes, il faut couper. Il n'y a pas de sentiment là-dedans. Parce qu'au feu, là, il n'y aura pas de sentiment. Quelqu'un va créer dans te bousculant comme ça, que quitte ma place. Dans le feu. Donc, il n'y a pas de sentiment. Il dit donc que pour se repentir de ces mauvaises voies, il faut qu'on connaisse les mauvaises voies desquelles il faut se repentir. D'où la nécessité que chacun, dans son côté, va observer sa propre vie. Il y a cela une semaine. Qu'est-ce que je dis? Vous savez très bien, quand vous péchez, vous savez, ne faites pas comme si vous oubliez. Ne faites pas comme si vous oubliez. Quand vous êtes dans la bonne voie et vous voulez le faire, Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous met à l'esprit tout ce que vous avez fait. Quand vous êtes dans ce processus, c'est-à-dire que tu te couches au lit. Comme je t'en ai parlé maintenant, le Saint-Esprit révèle les choses que vous avez faites et que vous savez que vous faites. D'autres, vous ne pouvez pas l'avoir maintenant. Mais quand vous êtes dans le calme, parce que Dieu sait exactement qu'il a promis que vous venez chercher sa face, devant sa face, il te met à cœur exactement ce que tu avais fait. Comment tu as frustré quelqu'un? Comment tu as menti? Il te met à chercher pour que tu les confesses. C'est, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes prêts à s'engager dans ces voies? Vous êtes prêts? Donc, ça veut dire que, première chose, je ne sais pas quand vous allez vous réunir la prochaine fois encore, avant de vous réunir, que chacun se sanctifie. Que chacun cherche sa voie. Sonde ses voies devant le Seigneur et les confesse. Si c'est quelqu'un que tu as offensé ou bien quelqu'un que tu avais sur le cœur que tu n'avais pas pardonné, fonce vers la personne. Mon frère, je vais te parler. Ma soeur, je vais te parler. Allez du côté, s'il te plaît. J'avais quelque chose contre moi. Tu avais porté ton habit l'autre jour, ça m'avait plu. J'étais jaloux de toi. Ton habit. Et toi à qui on vient confesser, ne dis pas que hein, tu es jaloux de moi, pourquoi? C'est toi qui m'as donné l'argent. C'est pas ça, c'est le processus de la réconciliation. Tu as intérêt à lui pardonner parce que toi-même tu as besoin du pardon. Souvenez-vous, des deux côtés, il y en a besoin. Donc si tu es proche, je viens te dire, mon frère, pardonne-moi. Si tu dis que je ne pardonne pas, toi-même tu es dans les problèmes. Parce que la Bible déclare, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire le contraire, c'est ceci. Ne nous pardonne pas nos offenses. Comme nous ne pardonnons pas aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, si tu te dis pardon, tu dis non, je ne pardonne pas. Tout ce que tu as demandé à Dieu pardon, il ne te pardonnera jamais. La fin, ce sera où? La fin, c'est où? En enfer. Donc, faisons attention. Dis à ton voisin, j'ai besoin de ton pardon. Parce que tu as besoin aussi d'être pardonné. Dis encore à ton voisin, tu dois pardonner. Parce que tu as besoin du pardon de Dieu. Donc, je veux dire ici que les obstacles, les problèmes ne viennent pas créer les obstacles entre vous, d'accord? Parce que quelqu'un qui ne pardonne pas veut dire clairement qu'aucune de ces prières ne doit être exaucée. Parce que la Bible lit le pardon à l'exaucement de la prière. Si vous êtes debout faisant votre prière et vous vous souvenez que vous avez quelque chose avec quelqu'un, laissez là votre chose et allez vous réconcilier. N'est-ce pas ce que la Bible a dit? Donc, voilà les premières choses qu'il faut qu'on fasse. Si vous venez ici, dites Seigneur, pardonne-nous. Oh Seigneur, nous voulons ceci. Allez d'abord résoudre les problèmes. Les problèmes internes. Interne d'abord entre vous et vous. Entre vous et vos frères et vos soeurs. Et prenez position pour cela. D'accord, bien-aimés? D'accord? Y a-t-il des questions? Je ne comprends pas la révélation par rapport aux Écritures et la révélation par rapport à l'inspiration. Je ne comprends pas. Une femme est venue me voir. Je ne sais pas si tu étais là le jour, cette femme qui a dit qu'elle est dans l'église de l'effusion du Saint-Esprit. Son mari était dans l'église de feu, réveil, quelque chose comme ça, les deux. Il dit, refuse le Saint-Esprit. Donc l'église effusion du Saint-Esprit. J'ai dit, madame, je vais te voir à la maison. Elle est venue à la maison. Il dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier. Comme ça, on va voir ton parler en langue. Vous savez ce qui s'est passé? C'est là, je faisais tendu la main comme ça. Elle comme ça. Elle commence à parler. Bah, bah, bah. J'ai dit à ma femme qu'enregistre. Elle a enregistré. Il dit, enregistre. Elle est en train d'enregistrer. J'ai dit, mets donc ta main sur son bras. Elle a mis la main. Bye! Il est sorti. Je pose la question. Qui est en train de parler? Donc, la main de quelqu'un veut chasser le Saint-Esprit de corps. Il pose la question. Est-ce que je peux venir tuer le Saint-Esprit? Il prie que, au nom de Jésus, Saint-Esprit, sort de ce corps. C'est possible? Il y a un problème. Il y a un problème. Quand elle a fini, il dit, madame, parle à langue. Elle dit, je ne parle plus frère. Elle a dit je ne parle plus. J'ai dit je voulais seulement te montrer. Parce que c'est dit que ce n'est pas le parler en langue. Tu vas me dire que c'est quoi? Je lui ai dit que voici donc la première source pour que tu comprennes que c'est faux. Chaque fois quand tu parles, tu n'es pas en paix parce que tu es troublé dedans. C'est la preuve que ça ne vient pas de Dieu. Le don de Dieu est d'abord parfait, conciliant, doux, et ça donne la paix. C'est n'est-ce pas? C'est-à-dire que, à l'exemple, tu pries, tu dis, après quand tu finis, tu te poses des questions. Qu'est-ce que j'ai dit là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment... À l'instant, il y a ce questionnement. C'est le Saint-Esprit qui a laissé questionner comme ça, que tu penses que toi-même, là, c'est moi. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, la fête de parler en langue. Donc, les dons spirituels, là. Les dons spirituels ne peuvent pas venir avant que Jésus-Christ ne soit glorifié. Il faut que le don spirituel vienne après que Jésus-Christ soit glorifié. Et par conséquent, c'est la parole esprit qui doit venir. Si on a les paroles tradition en nous, ça ne peut pas venir. Si on a la parole tradition, et justement, pendant qu'elle causait avec cette fille-là, elle a dit qu'une de ses sœurs était servante de l'Église catholique. Elle a commencé à avoir les croix, les sels bénis qu'elle lui donnait. Et sa grand-mère, celle-là, je ne sais pas, l'histoire est longue. Sa grand-mère, lorsqu'on l'a couchée, elle est sortie sur la table, elle a mis la main sur elle, elle a parlé une chose, elle a dit, tu vas me servir. Quand on priait comme ça, c'est sa mère qui parlait à l'intérieur. Elle parlait en langue. C'est ce qu'on appelle la langue là maintenant. Donc cette fille-là de l'Église catholique, là, c'est elle qui faisait comme ça, que prie, ouvre. Invoque l'esprit. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc, celle-là qui fait l'église catholique, elle va s'asseoir, elle va faire bag. Quand le mari, après, dit sang, toi, tu sais très bien qu'on ne doit pas prier ces choses-là, mais elle prie en langue. Toi, si tu pries de la même façon. Donc, dis à ton voisin, tu fais mieux d'arrêter. Quand tu as un dieu entre les mains, un faux bien, deux biens entre les mains, on te dit qu'il y a un qui est faux. Tu regardes, ça semble être vrai. Il n'y a qu'une seule façon de le faire. Amener là où il y a le rayon ultraviolet. Tu passes là-bas, ça va, c'est le test là que ça doit passer. Tu n'as pas besoin de dire que non, c'est celui-ci, non, c'est celui-ci, non, c'est celui-ci, non, c'est celui-ci. En période de doute, on s'abstient. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, je passe le biais sous le truc. Si les caractéristiques, c'est que si c'est faux, ça va être devenu blanc là-bas. Je passe seulement. C'est le biais qui est blanc, je l'élimine. Point final. Alors, on ne saura pas le vrai tant que le vrai n'est pas venu. Tant que c'est comme ça, le faux sera là. Vous allez dans un pays, par exemple, le Gabon. Vous fabriquez des faux billets, des dollars. Vous allez là-bas au Gabon avec vous distribuer à tout le monde sans qu'ils n'aient jamais vu le vrai. Ils vont considérer que ça c'est le vrai. Attendez que sur place le vrai vienne. Chacun sera surpris que dans mon dollar était faux. Vous savez, n'est-ce pas? C'est en train de venir. Le bulldozer du Saint-Esprit est en marche. Ça va venir. D'accord, mes frères? Voilà. Autre question encore. Voilà. Bon, toujours maman. Même quand je vais me taire, cela ne me laisse pas. Mais j'ai la paix. Ok, donc ça veut dire que je n'ai plus rien à dire. Si tu as la paix, si ça ne t'est pas été laissé, alors maintenant, ce que je te conseille maintenant en tant que serviteur de Dieu, va devant Dieu dire que je ne parlerai plus ici s'il n'y a pas l'interprétation. C'est ce que la Bible a déclaré. Les frères m'ont quitté à cause de cela. Ils disent, frère, le jour où tu vas comprendre. Tant qu'il n'y a pas l'interprétation, Dieu te lance un défi. Va demander au Dieu qui semble-t-il t'a donné cela. Si tu as donné, forcément il faut donner l'interprétation parce qu'il a dit que celui qui prie pour avoir le don pour interpréter. C'est ce que la Bible recommande. Alors, prie ma soeur que Seigneur, je ne parlerai plus que si tu me donnes le don pour l'interpréter. S'il y a l'interprétation, j'accepte que ça vienne de toi. Voilà le défi donc. Oui, frère. Oui, je voulais demander l'interprétation, c'est lorsque l'église s'assemble même ou... Non, c'est pour elle-même. Pour elle-même d'abord. Parce que si tu pries en langue et que tu as l'interprétation, quand tu seras en train de parler en langue, ton esprit sera en train de comprendre ce que tu es en train de dire. Pas que tu finis par dire, après tu dis que non, mon amour pour vous est grand. Mon amour pour vous est grand. Ce n'est pas ça. Il dit, ça c'est pour l'extérieur. Toi, quand tu es seul dans ton côté, quand tu es en train de prier dans cette langue inconnue, tu entends ce que tu es en train de dire. Un peu comme tout à l'heure, on a dit que le vent en train de faire pom, pom, pom. Mais la personne qui entend pom, pom, pom, en train d'entendre ce que ça en train de dire, un peu comme ça. Oui, frère, je vais encore parler de tout. Il y a une femme dans la dénomination où nous étions. Elle faisait. Après, il dit ainsi parle l'Éternel. Alors, stoppons là-bas. Écoutons très bien maintenant, pourquoi je vous dis. Puisque nous sommes autour de la table de la parole là maintenant. Écoutons très bien. Vous avez la façon que le frère a parlé. Il était là, il a suivi, il a dit ainsi parle. Le Saint-Esprit ne peut pas parler ça. Il veut que ça pénètre là maintenant. Le Saint-Esprit ne peut pas parler comme ça. Ne craignez pas, ne me regardez pas comme ça, d'accord? J'attends seulement que ça pénètre. Jusqu'à ce que vous avalez d'abord. Si vous avalez d'abord, j'avance. Je vais remarquer jusqu'à ce que quand je sais que vous avez déjà fait une quad. Je vais dire pourquoi. Avant que je vais le laisser parler. Frère, c'est bon, non? Le rythme est bon. Ça se comprend. Donc, c'est qu'il dit que le Saint-Esprit ne peut pas parler comme ça. Tu as compris ce qu'il veut dire? S'il te plaît, est-ce que tu peux dire, parce que quelqu'un ne dit pas que c'est moi qui ai dit. Souvenez-vous, c'est votre ancien. J'ai dit que si c'est comme il a dit là, c'est tout ce qu'elle va bavarder par la suite, même si c'est vrai, ce n'est pas le Saint-Esprit. Souvenez-vous de ceci. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que si vous avez deux biais, et que la seule façon pour tester si l'un est faux, l'un est vrai, c'est de passer au crible. Pas vrai? Si c'est quelque chose qui est dit, la seule façon de savoir si c'est vrai ou pas, c'est où? Dans la parole. Maintenant, frère, dis-nous pourquoi ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. C'est vrai parce que ce Saint-Esprit là-même, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Voilà. Comment est-ce qu'il peut dire que voici ce que l'Éternel dit? C'est comme s'il était en train d'interpréter ce que quelqu'un est en train de dire. Voilà. Maintenant, au-delà de ceci, la révélation des Écritures, c'est que l'Éternel, c'est le titre révélé dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'y en a pas. Dans l'Ancien Testament, par exemple, vous allez voir l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel. Vous ne verrez aucun verset dans le Nouveau Testament comme ça. Dis à ton voisin, tu vas lire ta Bible. Tu vas lire ta Bible. Mm-hmm. Alors maintenant, quand vous ne lisez pas la Bible, vous n'avancez pas avec le Seigneur pour avoir des telles révélations. Comment donc vous allez savoir si c'est vrai ou c'est faux? La personne va se lever et va dire, ainsi parle l'Éternel, je suis au milieu de vous. Enlevez la haine parmi vous. Enlevez la haine parmi vous. La première personne qui a la haine, c'est elle-même qui en a parlé comme ça. Je vous aime, je suis obligé de vous. C'est ça la prophétie? C'est ça la prophétie? C'est une prophétie ça? Est-ce que j'ai besoin de, que le Saint-Esprit dise qu'il nous aime? Pourquoi je comprends qu'il nous aime? Vous ne voulez plus rire maintenant. Ils ont dit quelque chose. Ok, vous voulez qu'on aille dans la Bible? Alors dans la Bible, pour que vous voyez. Actes des apôtres. Ouvrez chapitre 11. Et puis ouvrez maintenant 1 Roi chapitre 18. Donc, vous êtes dans 1 Roi, chapitre 17, ou bien prenons chapitre 17. Je pourrais prendre comme ça partout dans la Bible pour vous les montrer. Mais j'ai pris un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament pour que vous voyez ça clair. Prenons le chapitre 17 de 1 Roi déjà, commençons par là. J'explique l'histoire et puis on va directement au verset. J'espère que vous avez trouvé 1 Roi chapitre 17. N'est-ce pas tout le monde y est? C'est l'histoire d'Élie ici qui vient dire à Acab que il ne tombera pas de la pluie jusqu'à sous ma parole, n'est-ce pas? Quand il dit comme ça, là, il commence à aller à un torrent là-bas, le torrent finalement sèche. Dieu l'envoie chez une femme de Sarepta, d'accord, la veuve de Sarepta. Vous y êtes? Vous en suivez? Ok, dit, je pourrais prendre ça dans la Bible partout. Mais arrivons au verset 13. Donc, le prophète Élie vient trouver la femme. La femme allait chercher le bois dehors. La conversation commence. Donc on va dire à partir du verset 13, on va voir quelque chose, regardez. Elle lui dit, ne crains point. Élie lui dit, ne crains point, rentre. Je suis dans 1 Roi chapitre 17, verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit seulement. Réponds-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Verset 14, regardez comment le verset 14 commence. Car ainsi parle. Terrible ça. Remarquez encore, c'est pour ça qu'il dit que vous lisez la Bible. Vous avez votre Bible devant vous. Il dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Vous avez la façon que le prophète a parlé à la veuve. Il dit que car, voilà, vous faites le gâteau d'abord pour moi, je mange. En fait, tu vas faire pour le ton fils après parce que c'est grave, j'ai mangé dans le désert là. Il dit, car ainsi parle l'Éternel. Il dit qu'ainsi parle l'Éternel. J'ai dit ainsi parle l'Éternel. Je suis d'arriver ici à cause du fait que le frère, parce qu'après il est venu repasser la parole. Il a dit que cette femme-là disait, ainsi parle l'Éternel. Voici un prophète qui dit, ainsi parle l'Éternel. Après, il donne le décret de l'Éternel. Maintenant, allons dans le Nouveau Testament. On va donc voir que ce qui est dans l'Ancien Testament n'est pas dans le Nouveau. Ce qui est dans le Nouveau n'est pas dans l'Ancien. Vous savez, maintenant, il a dit tout à l'heure, chapitre 11, n'est-ce pas? Ok, lisons à partir du verset 26. Frère Ferranti, hein? Lisons à partir du verset 26. Mm-hmm. Allons-y. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Oui. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'Église. Oui. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Donc, nous sommes dans le Nouveau Testament. Les prophètes sont descendus, et certains temps, Élie est descendu aussi pour chez Sérapte, n'est-ce pas? Amen. Avançons. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Voilà, arrêtons de là-bas là. Vous voyez très bien qu'on dit qu'il l'annonça par l'Esprit. Vous avez vu la façon dont il dit, n'est-ce pas? Cet apôtre-ci, cette prophétie, il prophétise deux fois dans le Nouveau Testament, dans Actes des Apôtres. La prochaine fois, c'est quand il va prendre la ceinture de Paul. N'est-ce pas? Lisons cela. Quand il va prendre la ceinture de Paul. Je vous lance maintenant le défi de trouver l'endroit où ça se trouve. On va voir dans les 8 secondes ici avec les... Ça se trouve où? Lorsqu'il va venir prophétiser que Paul doit être amené à Rome. Ça ne peut pas être dans le même chapitre. C'est même pas d'abord là-bas. C'est même pas dans deux chapitres plus tard. Donc c'est devant. Je veux exactement l'endroit où Agabus prend la ceinture de l'apôtre Paul et il prophétise. Ce n'est pas dans le chapitre 11, ni dans le chapitre 12, ni dans le chapitre 13, ni dans le chapitre 14, ni dans le chapitre 15, ni dans le chapitre 16. À partir du chapitre 20 en montant, 21 en montant. Parce que on vous aide toujours avec le, comme si vous avez le lait. C'est comme si on faut qu'on trouve dans le lait. Je vous donne le lait. Vous trouvez, on lit. Si vous ne trouvez pas, je vous attends. Donc trouvez l'endroit où Paul est lié. Quand c'est la personne qui va trouver, dit, on continue. Trouvez, elle reste tranquille comme ça. Regarde, les voisins sont inquiétés comme ça, que c'est quel chapitre, Alléluia. Dans ce chapitre 21, si vous regardez au verset 8, n'est-ce pas? Ça commence à partir de là. N'est-ce pas, madame? Si vous regardez à partir du chapitre 21, à partir du verset 8, vous allez remarquer qu'il est entré chez l'évangéliste Philippe. Il y avait quatre filles vierges qui prophétisent. Donc, ça se trouve exactement dans le chapitre 21, le verset 8 et suivant. N'est-ce pas? Ok. Voilà. Maintenant, qui va lire? Frère Ferrand, tu es là, frère? Verset 8. Oui, lisons. Nous partîmes le lendemain. Et nous arrivâmes à Césarée, oui. Étant entré dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des sept. Nous logeâmes chez lui. Il avait 14 filles vierges. Non. Pardon. Mais 14 filles, c'est que celui-là, il a l'argent. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Oui. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, oui. Un prophète nommé Agabus. C'est encore lui, n'est-ce pas? Descendit de Judée, oui. Et vint nous trouver. Mm-hmm. Il prit la ceinture de Paul, oui. Se lia les pieds. Écoutons maintenant sa parole qu'il va prononcer. Souvenez-vous de ce qu'Élie lui a dit, d'accord? Mm-hmm. Allons-y. Se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Stoppons. Ça règle le problème. Vous avez la façon de l'Esprit de parler dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Vous pouvez être là, vous bavardez n'importe quoi, bavardez-vous, c'est ce que vous c'est gesticuler. Il y a une seule façon. Si vous connaissez la Bible, vous devez savoir si c'est faux ou c'est vrai. C'est un prophète, exactement comme Élie. Là-bas, il a dit que, on a dit dans le chapitre 11, là, qu'il déclara par l'Esprit qu'il y aura une famine qui en est venue. Deuxième fois, il ne fait pas l'erreur. Il vient prendre la ceinture de Paul, il attache ses pieds. Il dit que, voici ce que déclare le Seigneur. Il dit que voici ce que déclare l'Éternel. N'est-ce pas? Donc, le ainsi parle l'Éternel dans l'Ancien Testament équivaut à l'Esprit parle. C'est. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Si vous allez lire dans au chapitre 9, par exemple, quand l'apôtre Paul était chez... Lorsque l'apôtre Pierre, quand il a ressuscité la femme veuve dont on parlait tout à l'heure, il sera sous le toit, on va envoyer à Joppé pour aller pour le chercher. Pendant que cette vision-là va venir, il sera en train de méditer. L'Esprit va dire à Pierre, vous voyez, n'est-ce pas? L'Esprit dit à Pierre, descend, car c'est moi qui les a cherchés. Est-ce que vous comprenez? Quand l'apôtre Paul et Barnabas sont à Antioche, sont en train de déjeuner, dans le chapitre 13, verset 2, la Bible va déclarer, l'Esprit dit... Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Vous allez voir que c'est l'Esprit qui est en train de parler. Il n'y a pas l'Éternel. Il n'y a pas de mot éternel là-bas. Est-ce que vous comprenez? Il y a un pourquoi. Parce que les noms de Dieu dans la Bible sont des révélations par rapport aux dispensations. C'est comme ça que Dieu a mis les choses dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est pour ça que Dieu ne peut venir dire que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il ne peut plus dire ça. Parce qu'il a déjà révélé son nom parfait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'espère qu'il me fait comprendre. Oui, frère. Je voulais demander par rapport à ce que vous expliquez là, par rapport, est-ce que, puisque 1 Corinthiens 14 mentionne certaines choses. Oui, oui. Ici, on dit comparaison entre le don des langues et le don de prophétie. Oui. Et là, j'ai lu dans... Verset 1, frère. On dit rechercher la charité, aspirer aussi au don spirituel, oui, mais surtout à celui de prophétie. Oui. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Oui. Donc, quand la personne parle, on ne le comprend pas. Oui. Et on dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Par regard, le verset, c'est exactement là où je voulais arriver, par rapport aux prophéties. En fait, je ne sais pas si, peut-être, je ne sais pas. Il fallait qu'on finisse d'abord avec l'affaire de ainsi par l'Éternel et l'Esprit d'abord. Avant de revenir là-bas. Parce que je suis en train de dire, n'est-ce pas, que dans la dispensation-ci, le Saint-Esprit ne peut pas dire ainsi par l'Éternel. Parce que ça ne se trouve pas dans la Bible. La révélation, c'est que la personne qu'on appelait Éternel dans l'Ancien Testament, c'est lui qu'on appelle Jésus-Christ. Il ne peut plus rentrer sur l'Ancien, parce que ce nom, sa révélation était progressive. C'est pour ça que dans le livre de Hébreux, chapitre 1, on dit que Dieu, dans les anciens temps, a parlé par les prophètes. En ces temps, il est entré dans l'office. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est en train d'avancer. Pour cela, je vais vous faire lire quelque chose pour que vous soyez surpris maintenant. Ouvrez le livre de Joël. Je crois que vous allez me comprendre maintenant. Joël, chapitre 2. Franchement, s'il vous plaît, lisez la Bible, d'accord? Lisez la Bible, bien-aimé. Si vous lisez la Bible, vous n'aurez pas assez de problèmes. Les pasteurs Trump prennent votre argent, c'est parce que je sais que vous ne lisez pas la Bible. Parce qu'ils savent que vous avez vendu vos droits de naissance entre leurs mains. Si vous lisez votre Bible et votre pasteur vient prêcher quelque chose, vous dit que ce n'est pas ça. S'il est un, il rentre à la maison, il va seulement savoir de moment que vrai, il faut que moi-même j'élève le niveau. Mais si vous ne lisez pas, vous venez, on dit que le joueur, vous ne savez pas où le joueur se trouve. Il parle en jeu, justement, il dit qu'amener à la maison de l'Éternel tout le trésor. Il dit que c'est écrit en Joël, vous ne connaissez même pas. Ok, Joël chapitre 2. Ouvrez en parallèle maintenant avec Actes des Apôtres aussi. Ah, ouvrez, c'est-à-dire que ouvrez. Tout à l'heure, je vous ai demandé d'ouvrir un roi et puis Actes, n'est-ce pas? Ouvrez de la même façon Joël et Actes toujours. Actes chapitre 2. Et Joël chapitre 2. Maintenant, dans Actes chapitre 2, c'est le moment où le Saint-Esprit descend sur l'église, n'est-ce pas? Les gens vont commencer à se moquer. Pendant que d'autres sont en train de dire que c'était merveille de Dieu, d'autres vont commencer à se moquer de l'effet que le Saint-Esprit faisait sur les gens. L'apôtre Pierre va se lever à partir du verset 14. Donc, nous allons lire à partir du verset 14, justement. Dans Actes des Apôtres. Tu peux lire, frère? Tu lis, verset 14. Acte 2. À partir du verset 14, il est écrit, alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Oui. Hommes Dieu et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Stoppons. Donc, l'apôtre Pierre va comme ça citer Joël. On est d'accord? Il dit c'est ici. Donc, il a dit que, il a dit vous expliquer que ce que vous allez observer là, c'est ce que Joël avait dit. C'est pour ça qu'il dit que ouvrons Joël. On va lire ce qu'il a dit. Et on va voir ce que Joël avait dit. D'accord, bien aimé? Allons-y maintenant. 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Stoppons là-bas. Soulignez jour du Seigneur. Là-bas. Vous y êtes? Ok. Maintenant, allons-y donc maintenant, parce que puisque Pierre nous a dit que ce qu'il a dit, ce qui se passe là, c'est Joël qui avait dit ça, n'est-ce pas? Souvenez-vous de ce que j'ai demandé que vous souligniez. Allons maintenant dans Joël chapitre 2, le verset 28. Lisons. Lis, frère. Joël 2, 28. Il est écrit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Stoppons. Soulignez ce que vous avez le jour de l'Éternel. Attends. En fait, il y en a plein. Hein? Il y en a plein. C'est parce qu'on a développé à avancer quelque part. J'aurais souhaité prendre ça partout. Alors maintenant, qu'est-ce que vous avez vu comme différence? Quelle est la différence entre ce que Pierre a dit dans le Nouveau Testament et ce que Joël lui-même avait dit? Pierre a dit Seigneur. À haute voix. À haute voix. La différence est que Pierre, en parlant à la fin, parlait de avant l'arrivée du Seigneur. Non. Il a demandé que vous souligniez, donc vous devez avoir ça devant vous. Il n'a pas dit avant l'arrivée du Seigneur. Avant l'arrivée du jour du Seigneur. Donc c'est le jour du Seigneur qui est en train d'arriver. N'est-ce pas? Joël, lui, il avait dit quoi? Le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Il y a une explication. Ok, maintenant, regardez, gardez toujours Joël chapitre 2, d'accord? Ouvrez cette fois-ci Romains chapitre 10. Ça c'est Pierre qui a dit dans ces chapitre 2. Regardez maintenant ce que Paul lui-même il a écrit. Et maintenant, quand vous lisez la Bible, vous allez voir la même chose partout, chaque fois quand ça sera référé ainsi. Romains au chapitre 10, et en comparaison maintenant avec Joël toujours. Vous êtes dans Romains chapitre 10. Si vous êtes dans Joël chapitre 10, dans Romains chapitre 10, vous me dites, je vais vous donner le passage. Ok. En premier lieu, lisez le verset 32 de Joël chapitre 2. Frère, lis le verset 32 de Joël chapitre 2, là, parce que en fait, normalement, ça continue. Dis maintenant le verset 32. Oui. De Joël chapitre 2, il est écrit, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Vous êtes, on est d'après Joël, on doit invoquer quel nom pour être sauvé? L'Éternel. Maintenant, si vous avez vu, si vous avez le renvoi, vous avez remarqué qu'on a écrit A là-bas. On a renvoyé effectivement dans Romains au chapitre 10, le verset 13, n'est-ce pas? Il dit bien, en dessous de ces versets, pour ceux qui ont les versets, on les renvoie. Si vous remarquez, on a renvoyé ça que dans Romains chapitre 10, le verset 13. C'est ça, non? Lisons donc ce Romains chapitre 10, verset 13. Allons-y. Romains 10, verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, Joël, lui, il avait dit qu'on devait invoquer quelqu'un, non? L'Éternel. Mais quand l'apôtre Paul prend sa plume pour écrire, réécrit ce que Joël, lui, il avait dit, dans le Nouveau Testament, il écrit plutôt quoi? Seigneur. Donc, l'apôtre Pierre, il est en train de parler, on pouvait croire peut-être qu'en citant, il a fait l'erreur. L'apôtre Paul, en prenant plus tard sa plume pour écrire, a fait la même chose comme Pierre a fait. Vous voyez comment les gens prêchent l'évangile avec harmonie, n'est-ce pas? Vous lisez la Bible partout là. Chaque fois qu'un apôtre qui a écrit la Bible va vouloir citer un verset de l'Ancien Testament, que c'était écrit l'Éternel, il va plutôt dire Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé dans le Nouveau Testament. Or, dans l'Ancien Testament, on disait que le nom de l'Éternel. Or, dans ce Romains chapitre 10, il commence par dire que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, donc ce nom-là, c'est le Seigneur Jésus. Il dit, en fait, il veut dire qu'en réalité, ce n'est pas nouveau parce que dans l'Ancien Testament, c'était prévu que le nom de l'Éternel, il ne dit pas l'Éternel, il dit le nom du Seigneur. Or, il y a un seul Seigneur, c'est qui? C'est Jésus. Donc, la révélation était progressive. C'est pour ça que l'autre jour, remarquez bien comment je vous dis ici. Il dit, Proverbe chapitre 18, verset 10, que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Il dit, ce nom-là, c'est quoi? Vous avez dit Jésus. Vous disiez, Jésus, sans vous en rendre compte que vous avez dit que l'Éternel, c'est Jésus. Comme il s'est déjà montré, dans l'Ancien Testament, il a dit qu'il y a un nom qui est en train de devenir par lequel les gens vont être sauvés. Dans Actes chapitre 4, verset 12, il dit que car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné, dont le nom a été donné. Alléluia. C'est pour cela donc, quand quelqu'un dit ainsi parle l'Éternel, ce n'est pas l'Éternel. Amen. On peut prophétiser, un, par un esprit, deux, par l'audacité. Ouais. Et si tu veux prêcher par l'audacité, la parole va t'embrouiller. Si c'est le Saint-Esprit qui te met un parole à cœur, tu vas prêcher la parole. Toi-même, quand tu vas prêcher par le Saint-Esprit, tu viens dans la Bible, tu vois que c'est conforme à la Bible. Pas que tu essaies de réfléchir dans la Bible que je dis quelque chose qui va être biblique. Tu parles seulement. Et c'est quelqu'un qui connaît la Bible sait que c'est aligné avec la Bible. C'est tout simplement ça. Alors maintenant, j'espère que c'est compris. Dans le Nouveau Testament, vous ne verrez nulle part où l'Éternel parle. C'est le Saint-Esprit qui parle. Quand l'Esprit viendra, le Saint-Esprit vient, il vous conduira dans toute la vérité. Mettez-moi à part. Parce que pendant qu'il gênait, qu'il priait Dieu, qu'il servait Dieu dans le ministère, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai. Maintenant, tu regardes le chapitre 9 de ce même acte, quelqu'un est dans la lumière, il dit que Saul, Saul, pourquoi me persécutes? On dit, qui es-tu? Il a dit que quoi? Saint-Esprit? Il dit, c'est Jésus. Donc, le Jésus donc, qui a appelé à la lumière, il a dit, maintenant, cette fois-ci, que mettez-le pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, Jésus, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, quand quelqu'un dit ainsi par l'Éternel, qui me bat n'importe quoi par la suite, ce n'est pas ça le problème. Souvenez-vous, Actes chapitre 16 montre une femme qui, quand l'apôtre Paul et Luc allaient dans le lieu de la prière, elle était derrière. Ces gens, si vous annoncent la voie du salut, ces gens sont les serviteurs du Dieu très haut. C'est pas ça? Est-ce qu'elle mentait? Mais quel esprit parlait? Donc, putain, faisons vraiment attention. Donc, c'est-à-dire que dans cet état de recherche, de sonder les voies, prions surtout que nos lèvres soient pures. Et que de cette source-ci ne sorte pas de l'eau douce et de l'eau amère. D'accord? Sinon, tu vas être un canal au travers duquel le mauvais esprit passe sans que tu ne sois conscient. Est-ce que vous me savez ici? Je vais vous raconter l'histoire d'une soeur qui faisait ces choses-ci comme ça, dans l'une des premières assemblées, quand j'étais encore jeune à ce moment-là. Vous voyez? Dieu m'a donné la sagesse à résoudre ce genre de problème-ci. Quand quelqu'un dit ainsi parle l'Éternel, il commence par prophétiser, une femme parle, commence à prophétiser. Et c'est les femmes qui sont pleines dans cette histoire-ci. Quand quelqu'un va prophétiser, si tu es un serviteur, tu ferais mieux de ne pas aller vers elle pour dire que ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du Python. Tu ferais mieux de ne pas faire ça. Ce n'est pas normalement, je devais parler ça avec le serviteur. Donc, maintenant, il dit, maintenant, puisque j'ai commencé à dire, vous permettez ainsi. Donc, si je vais vers une, il dit que tu n'es pas de prophétiser avec l'esprit de Dieu. Le regard qu'elle aura de moi désormais ne sera plus le même regard d'amour. Vous savez ça, n'est-ce pas? Or, moi, je sens de dire ça pour son parce que par amour pour elle. Est-ce que vous me saisissez? Par amour pour elle, parce que normalement, s'il dit ce n'est pas par l'esprit de Dieu, il faut que je lui prouve que ce n'est pas par l'esprit de Dieu. Et dans ces cas, si elle accepte, elle et moi, on va devant Dieu pour qu'on résolve le problème. C'est une chose de détecter un problème, c'est une autre chose de résoudre. Il ne s'agit pas seulement de détecter que ton problème c'est ici. Si tu détectes, il faut que ce soit résolu. On se comprend? La fille là disait ainsi parle l'Éternel. Souvenez, voici comment elle faisait. Elle s'asseyait là souvent. Elle fait comme ça. Pour qu'on soit sûr, voici la chose. Elle fait comme ça pour qu'on soit sûr que ce n'est pas elle qui en a de faire. Elle fait comme ça. Robocop. Ainsi parle l'Éternel. Répentez-vous. Répentez-vous. Tu parles. Je savais que c'était faux. Je suis resté tranquille. Ainsi parle l'Éternel. Ton mari, c'est elle. Je savais que c'était faux. Ainsi parle l'Éternel. Va voir cette femme-là. Le 28, écoutez très bien, vous comment on dit qu'on donne la confusion. Il a dit à une soeur, et cette soeur-là était ma femme. Je n'avais dit à personne que c'est ma femme. Elle était à l'assemblée. Elle venait, boum, boum, boum, boum. Ainsi par l'Éternel, ton mari c'est elle. Elle ne savait pas que c'était ma femme. Ma femme m'a regardé comme ça. Il dit, voilà, on a dit que tu es la femme de telle personne. Il me regarde pourquoi. Alléluia. Mm-hmm. À la maison, c'était chaud à la maison. Il dit que, mais arrête ça. Il dit que non, c'est l'affaire de Dieu. Je ne peux pas arrêter. J'aime cette soeur, il ne faut pas qu'elle ait du mal. C'est pour amener l'église à la maturité. Il faut que, par, si elle vient devant, on dit que, ainsi par l'Éternel, stop. Vous qui êtes là-bas, pouvez croire que non. Je t'en ai dit stop. Sur quel bas je t'en ai dit stop. Il faut que ça soit clair devant tout le monde que c'est faux. On est d'accord? Alors si on se prononce donc que ceci est faux, vous allez savoir. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait voir le gars là qui a dit que c'est son mari. Que le mari de ma femme. Est-ce que vous saisissez? Après, elle envoie le message à ma femme que souviens-toi, il faut beaucoup prier pour que Dieu te donne de comprendre sa voix. Elle dit que voilà ça. Il dit, gars, elle veut dire que tu crois à sa prophétie. Elle a dit à ces garçons, elle est chez le garçon, elle a dit que, souvenez-vous, on se réunissait les samedis. C'est là que je vais vous montrer les choses. Si vous êtes patient avec Dieu, on se réunissait souvent les samedis. On se réunissait souvent les samedis. Elle a dit à l'autre garçon que, ainsi parle l'Éternel, le samedi prochain, il faut le rencontrer quand il y aura le culte. Donc le garçon vient déclarer son amour. Dieu va créer l'amour dans son cœur. Le gars aussi était ambigu. Parce qu'il ne ressentait rien par rapport à elle. Il aussi a commencé, quand on mettait la pression, elle envoyait le crédit à ma femme. Moi, on partage le crédit à deux. Il envoie 2000 crédits, il donne pour moi. Il dit que non, c'est ton futur fiancé. Alléluia. Ok. Donc, elle a dit au garçon, souvenez-vous, je vais vous montrer pour que vous saviez, vous les anciens, que vous sachiez que les choses spirituelles, ça ne se gère pas de façon humaine. Alors, les gens m'ont mis la pression. Par derrière, elle avait créé des désordres. Mais les gens savaient ce qu'il en était. Ceux qui me connaissent savent qu'ils ne jouent pas le problème de façon charnelle. Si Dieu ne me donne pas la direction, je laisse parce que de toute façon, c'est son œuvre. C'est. Alors, elle a dit à ce garçon-là que, ainsi parle l'Éternel, va le samedi prochain, 28, c'était le 28 à août comme ça là. Il y aura, lorsque après le culte, appelle-la pour lui déclarer ton amour. Ça, c'est à la maison. Subitement, j'appelle les gens pour dire que je n'étais pas là-bas. Que le culte de vendredi et samedi, on ne pourra pas faire cela, renvoyer ça à dimanche. C'est quand même terrible, pas vrai. Il dit subitement, le culte qui s'est passé normalement le samedi, ça a été renvoyé à dimanche. Vous comprenez maintenant la chose, n'est-ce pas? Donc, oh, Dieu lui a dit avant que va au culte samedi. Après ça, tu déclares ton amour. Ça ne prouve pas que c'est toujours Dieu, parce que Dieu, normalement, le culte de samedi. Alors maintenant, le problème vient du fait que je déplace le culte du samedi à dimanche. Et Dieu te dit que va samedi. Si vous saisissez, Dieu ne savait-il pas que ça devait être déplacé le samedi à dimanche? Elle est venue là-bas samedi, n'a vu personne. Le gars lui m'a commencé à dire que quelque chose ne va pas. Alors là, j'avais une base pour lui dire que c'était faux. J'avais une base. Je les ai appelés. Appelés tous ceux qui étaient concernés, y compris ma femme. Non, avant cela, comme j'ai dit à cette soeur-là, à ma femme, je les ai vus de l'autre côté, ils disent ok. Comme vous faites comme ça, la femme là a un mari. Elle est encore venue, quand, le mari là n'est pas le mari. Donc elle ne savait pas d'abord qu'elle est le mari. Il fallait qu'elle dise d'abord ça. Pour qu'elle dise que le mari n'a pas son mari. J'ai dit, ok, dans ces cas, ce qu'on va faire, c'est que je vais amener son mari ici. Vous lui dites devant lui que c'est pas ta femme, c'est ton mari. Il dit, non, frère, je ne fais pas ça. Il ne savait pas que c'était son mari qui parlait comme ça. L'église a le problème et l'église a besoin beaucoup plus du don de discernement des esprits. On s'est mis comme ça là. Et là, c'était une église de dénomination à l'époque, hein? Non, je n'ai jamais fait de dénomination. Quand Dieu m'a montré, c'est ce qu'il m'a montré ici. Mm-hmm. Jamais. D'accord, c'est dans une maison comme ça, là, mais c'était à l'étage. D'accord, hein? papa veut aussi regarder à ma source. C'est bien. Alors, on s'est assis comme ça, là. On s'est assis, après le culte, on s'est assis comme ça. Et donc, maintenant, tu as dit que tu devais le rencontrer quand? Samedi. Samedi, tu l'as rencontré? Non. Pourquoi? Qui t'a dit? C'est elle. Elle a dit que c'est Dieu qui a dit. Je pose la question, est-ce que Dieu peut-il mentir? Elle dit non. Il dit, ma soeur, tu l'as dit, c'est vrai que tu lui as dit que ainsi par l'Éternel, que Dieu vient, qu'il vient samedi après le culte et voit la soeur. Elle dit que oui. Il dit, mais est-ce que c'est normal que Dieu se trompe? Elle dit non. Et quelle est la conclusion que toi-même tu en tires? Elle dit, ce n'était pas Dieu. C'était réglé. Alléluia. Je pose une question, frère. Si j'étais allé vers elle en disant que ainsi par l'éternel que tu as dit, c'est pas l'éternel, est-ce qu'elle pourrait croire? Est-ce qu'elle pourrait croire? Alors, jusqu'à là, c'était, on s'est séparés. La guerre était entre eux dans le quartier là maintenant. Est-ce que j'étais encore là? C'est plus tard qu'elle a compris que c'était moi le mari. Mais maintenant, regardez la façon dont on résout le problème. Alors, un jour, au moment de culte, on est en train de prier. Le Seigneur dit que avance-toi vers elle. Je m'avance vers elle. Tout le monde est en train de regarder. Le Seigneur dit tape au milieu de sa tête. J'ai fait. Tam! Ah, ah, ah. Je me suis tourné. Elle m'a tenu. On a vu le Wanda fou de l'éternel. Elle a tourné. Bam! Alors maintenant, le vrai éternel a commencé à parler. Je suis dans son corps depuis 15 ans. Elle est venue chez moi sur le marabout. J'ai couché avec elle. Le marabout était dans l'intérieur de son corps. Il dit, c'est grave dans l'église. C'est grave dans l'église. Donc, chaque fois quand Satan va vouloir usurper quelque chose pour faire passer pour Dieu, il va toujours faire l'erreur. C'est pour ça que la Bible, je vous ai dit qu'il ne peut pas aller droit dans la parole. Le Seigneur veut ainsi par l'Éternel montrer qui était là. Déjà dès le départ. Alors, elle est allée chez le marabout. Le marabout a couché avec elle devant son hôtel. Depuis 15 ans. Donc, c'est un démon qui était devant sa vie depuis 15 ans. C'est l'embrouillé comme ça. Elle est allée de lieu en lieu. Avec cette prophétie-là, elle a gâté les gens. Me suivez. Et avec ça, elle avait un enfant. Quand elle voulait taper l'enfant, elle pouvait porter l'enfant, elle jette au mur comme ça. La haine. C'est une fille. Elle t'attrape la main comme ça. Tu crois que ton os va se fendre. Donc, bien aimé, je ne suis pas là pour blesser quelqu'un. C'est seulement qu'on examine tout ce que nous recevons à la lumière de la parole. La parole de Dieu. Donc, si quelqu'un commence une prophétie par ainsi par l'Éternel, ce n'est pas le Saint-Esprit du Nouveau Testament. Parce que le Saint-Esprit est venu révéler Jésus-Christ de Nazareth. Voici le prophète Agabus qui s'adresse. Il dit que ainsi par le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette prophétie, c'est le prophète. Maintenant, quand Élu lui parle, il dit car ainsi parle l'Éternel, tous les prophètes qui vont parler dans l'Ancien Testament vont toujours dire ainsi parle. Personne ne parle là-bas en disant le Saint-Esprit. Vous avez remarqué? Il dit, dans l'Ancien Testament, il n'y a personne qui dit ainsi par le Saint-Esprit. Parce que personne ne connaît encore le Saint-Esprit là-bas. Est-ce que vous comprenez? C'est dans le Nouveau Testament, dans Hébreu et dans Actes des Apôtres, que tu vas voir les disciples qu'on s'est dit que c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre, du prophète David, que, où elle est, n'est-ce pas? C'est dans le Nouveau Testament qu'on comprend que la personne en fait qui parlait dans l'Ancien Testament, c'était le Saint-Esprit. Mais dans l'Ancien Testament, on ne le voyait pas. Vous comprenez, mes frères? Donc, étudions les écritures, demandons des paroles, vous allez voir, on pourra les détecter facilement. Maintenant, j'espère que c'est clair là. C'est clair? Tu disais donc que cette femme-là disait ainsi par l'Éternel. Continuons maintenant. Attends, stoppons là-bas. Ainsi par l'Éternel. Si vous lisez Ésaïe chapitre 8, verset 19, la Bible déclare que ceux qui poussent le subitement, c'est le serpent. Ne me regarde pas comme ça. C'est pas moi. Est-ce moi qui écris ces choses? Dieu avait dit clairement que quand ça devait arriver, c'est le sifflement qu'il devait faire. Qui fait le sifflement? Qui fait le sifflement? Donc, si vous suivez attentivement, vous allez voir. Quand ça ne va pas venir, le temps d'attendre, c'est le serpent. Donc, si c'est ton mari qui fait ça, ou c'est ta femme, quand il t'embrasse comme ça, tu as embrassé la langue d'un serpent. Continue, frère. Oui, elle est ainsi par l'Éternel. Et lorsqu'elle dit comme ça, elle commence à dire, Israël, je t'aime. Tu parles. Israël. Donc, c'est lancé, il est arrivé dans l'Ancien Testament. Donc l'Éternel est dans l'Ancien Testament. Effectivement, Israël. L'Éternel aime Israël. Israël, c'est l'Éternel. C'est quelque chose qui vient de se passer. Alors on vient de lire 1 roi 17. Parce que Élie s'exprime ici, là, il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. D'Israël. Donc le fait que cette femme soit en train de dire, c'est le démon qui était en Israël. Elle est en train de se tromper même de dispensation. Elle se trompe de dispensation. Et elle dit vraiment que Israël, je t'aime. Ok, elle n'est pas assise en Israël. Le fait qu'elle ne soit pas assise en Israël, elle prouve vraiment que c'est faux. Donc c'est un problème, d'accord mes frères. Vous pouvez raconter, c'est parce que vous avez raconté dans vos églises, vous pouvez raconter. Mais souvenez-vous de là où on est en train d'aller. Christ, notre Seigneur, vient chercher une église sans tâche, ni rite. Il vient de semblable. Oui. Et le pire, c'est que quand elle fait comme ça, le pasteur prend le micro. Pendant que cette femme est en train de faire ces choses, le pasteur dit, bien aimé, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas surpris, ça c'est le parler en langue avec interprétation. Voilà. Voici ce que le pasteur dit. Et maintenant, après, la femme là va commencer à faire, elle va tomber là pour secouer les chaises là-bas pour nous qui étions leaders maintenant. On va commencer à la saisir comme mais ça. Mais même toi, tu as vu ta place, tu dis, quoi. On va là, on commencer à l'arrêter pour qu'elle ne secoue plus les chaises. Elle détruit tout l'arranger. Ok, vous voyez que la suite montre clairement que l'esprit est né, n'est-ce pas? Mm. Vous voyez que la suite montre que l'esprit est né. Jusqu'au point où les fidèles se sont demandés, mais les gens se demandaient les uns aux autres, mais est-ce qu'un chat de parler en langue avec interprétation que la sœur Marie-Claire est en train de parler comme ça là? Mm. C'est qu'un chat, comment quelqu'un peut parler? Après, c'est salé. Après, elle commence, ça la secoue comme ça là. Elle dit, elle crie. Elle finit par parler comme ça, le Saint-Esprit le gifle un peu comme ça, la gifle, personne ne peut discerner. Vous voyez le problème qu'il y a dans l'église, n'est-ce pas? C'est autant de problèmes comme ça là, que si quelqu'un a déjà prophétisé comme ça, il faut la repentance. Quand nous parlons comme ça, ce sont les problèmes que Dieu a de soulever. Si quelqu'un a été sous un endroit où on a fait comme ça, il a admis, il a accepté ce genre de prophétie, alors tu as accepté une parole venant du démon. Voilà les indices de repentance. Vous comprenez? Je n'avance plus.